Donc, messieurs, 112, on est chez Mathieu. Cue music. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème, numéro 112. Eh oui, ça sonne peut-être un peu cacane. La débarque. Non, mais on explore les possibilités, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Notre podcast. Oui. Et là, on explore la possibilité chez Mathieu. Oui, on a fait taire les éléphants qui dorment chez nous. Mm-hmm. Ainsi que... Ah, oui! Dumbo est resté. Ah, voilà. Ouais. Monsieur Mathieu, à Rimouski. Oui, à Rimouski, donc on a fait 6 heures de route pour ça venir. Fait. Ma mère fait des grilled cheese en haut. Mais on tient à remercier quand même Sonore pour toutes ces belles sessions d'enregistrement. Oui, oui, merci. Deux ans presque, de fidélité. On pensait pas qu'il t'offrait aussi longtemps. Ouais. Merci. On t'a fait. On mangeait tellement de chips. Ça n'a pas de bon sens. On a dû manger pour 300 kilos de chips. Hey. Un bateau de chips. C'est la fin des chips, là, hein. Là. C'est promis, je ne mangerai plus jamais de chips. Oui. En onde. Okay. Les burritos! Les burritos! Alors, on a un problème cette semaine qui nous vient de... Oui, on a pas eu de problème ici. J'ai oublié? Et c'est Frédéric Barouchi en compagnie d'Antoine Vézinant. Salut Fred chez Mathieu. Salut Antoine. Salut Jean-Philippe. Salut Fred et Antoine chez Mathieu. Et salut Mathieu chez vous. Salut les trois chez Mathieu. C'est moi. Bon, problème. Parfait. Sans problème, je vais changer des bobettes qui sont sur mon iPhone. Oui. Les bobettes de Mathieu. Oui. Un problème qui vient de Tammy Verge. Oh! Quand je suis devant une boîte de chocolat, je ne suis pas capable de m'empêcher de la finir. Comment résister avec assurance? Et ça, c'est un bon problème. Tu veux dire Tammy Verge, celle qui fait les voix sur... Opération Séduction. Séduction. Ouais, exact, cette Tammy-là. Elle est bonne, hein? Elle n'est pas capable de s'arrêter de manger du chocolat. C'est un petit canon. Tu pourrais nous dire ça? Personnellement, j'ai entendu dire... Oui, non, elle a beaucoup de difficultés avec le chocolat. Ah oui? Ouais. Je la comprends. Elle mange au point, elle sera pas contente que je dise ça, au point de ne pas partager parfois. Tu sais, tu reçois des chocolats, genre des petits chocolats là, qui se partagent bien, qui s'offrent bien. Mmh. Là, tu dis, non, je le dirai pas aux gens qui habitent avec moi. Je vais cacher la boire parce que je vais être obligé, sinon, d'en donner. Elle va m'en vouloir de dire ça, là, mais ça m'étonne pas. Moi, ça m'étonne. Mais pour le choc, c'est très, très précis. Ouais, mais je la comprends tellement parce que moi aussi, le chocolat, tu sais, c'est... Quitte à être malade, là. Pour mon émission, je suis allé dans une chocolaterie, puis j'en mangeais tout le temps. T'sais, ça faisait partie de l'émission, mais même quand on tournait pas, j'en mangeais. J'ai connu Frédéric qui prenait sa petite barre de chocolat avant les matchs d'impro. Ouais. Ça a changé depuis. Tu t'as primé, genre? Ou... Wow. Tiens, dose de sucre. Quelle époque? Ah, moi, je suis vraiment plus salé là-dessus. Mm-hmm. Les chips, c'est impossible de ne pas les finir. Du chocolat, j'ai eu une palette à Noël d'1,5 kg. Une palette géante, là, belle. Je ne l'ai pas encore fini, là, ça fait 2 mois et demi. Ben, viens chez nous. Ben oui, ça va se régler. Mais Tammy, par exemple, ça va déjeuner l'autre fois, il y en a manqué un bout. Dans son Tammy, elle a snacké. Elle a dit, j'allais me coucher en dessous de ton lit, j'ai pas compris ce qu'elle a fait. Elle a mangé tout mon chocolat. Le cacaoyé. Oui, merci. Où pousse la cabosse. Oh yeah. D'où on tire les fèves de cacao, mm-hmm, qu'on fait ensuite fermenter, mm-hmm, torréfier. Mm-hmm. On en tire une pâte, la pâte de cacao, et du beurre de cacao. Ouais. On mélange ensuite, tout dépendamment du chocolat qu'on veut, pâte et beurre de cacao à différents degrés, avec du sucre, on obtient du chocolat. Faut le faire cristalliser, Antoine. Oui, et souvent on va faire tout ce procédé-là, on va le faire dans des pays spécialisés comme la Belgique, la Suisse, mais au Canada aussi on le fait. Mais quand vous entendez chocolat belge, c'est que toute cette préparation-là est faite en Belgique, mais les grains sont plutôt dans la couronne des tropiques. Exact. Ouais, c'est ça. Voilà. Ben oui, c'est les Incas au Mexique, en Amérique, qu'ils buvaient. Le chocolat chaud, très épicé. Mmh. Les Espagnols ont ramené ça. Alors, Christophe Colomb, en 1494, ramène des fèves de cacao sur son bateau données par des indigènes. Mmh. Puis à un moment donné, il les jette par-dessus bord parce qu'il pense que c'est des crottes de chèvre. Ah! Il est coquin. Quelle anecdote! Quelle anecdote! Mais là, quand est-ce que tu as solution numéro un. Non, mais c'est solution numéro un. Okay. Pensez que c'est des crottes de chèvre. Ah, oui, bon, mélanger crottes et caca. Oui. Déjà ma solution préférée. Bon, ça n'encourage pas à arrêter de manger du chocolat, mais il y aurait évidemment des aspects bénéfiques. Antioxydants. Oh. Ça aiderait le système circulatoire. Anticancer. Mm. Ça prévient la toux. Okay. Ça a plein de vertus comme ça. Mm. Aphrodisiaque. C'est pas clair, les preuves sont floues. Donc, ça repousse les Occidentaux? Oui, anti-Occidentaux. Oh! C'est pour toi, Mathieu. Oui, je l'aime. 10 sur 10. Très, ça finit bien la semaine. Oui. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est ça, à la semaine prochaine. Oui, c'est bon, évidemment, pour s'aider à ne pas manger de chocolat, se rappeler, il y a du plomb dans le chocolat, un métaux lourd. Ah oh, ouais. Si on en mange beaucoup, écoute, le risque est mince, mais attention. Évidemment, l'aspect calorifique. Ouais, ouais. Faut pas se tromper. C'est là que le bas blesse. 500 calories en moyenne pour 100 grammes. Quand on sait qu'une femme, je m'adresse à Tammy, a besoin entre 1800 et 2000 calories par jour. 100 grammes, c'est le quart de ses besoins calorifiques. Moi, quand j'en mange, là, ça me tombe tout dans le cul. Ah ouais. Tu vois, comme Tammy. Oui, le chocolat. Le chocolat. Donc, se rappeler ça. Le gros chocolat. Le grand chocolat. C'est mortel aussi pour les chiens, mm-hmm. Oui, les chats. Ça. Devenir un chien, solution numéro 2. Les rats, les perroquets et les chevaux à cause de la théobromine qu'ils n'arrivent pas à défaire, à digérer. Ils meurent. Okay. Mm. Ils meurent. Fait que, mettons, du chocolat traînerait puis que mon petit chien le mangerait, il mourrait. Ça peut être mortel. Ça serait une question, mais s'il en mange beaucoup, j'imagine. OK, ouais. Il mourrait de chocolat. Il faut faire un lavement, là. C'est la plus belle mort. Mourir de chocolat. mort chocolat. Il existe une patch. Ah oui. Il y a la patch de nicotine. C'est n'importe quoi. Ils ont testé à Londres, au St. George Hospital. Oh. Les gens qui souffraient dans mon point. C'est une patch à la vanille. C'est n'importe quoi. Attendez. Ce n'est pas... Tu te colles ça dessus, là, mais il n'y a pas de produit qui te rentre dans la peau. C'est qu'il y a toujours une odeur, une légère odeur de vanille qui doit te tomber sur le corps. Ils disent que les gens qui avaient la patch de vanille avaient moins le goût de manger de chocolat et de sucreries en général. Oh. D'avoir toujours cette odeur-là, ils mangeaient la moitié moins de chocolat et de sucreries. Et chips... Constamment. Le ratio chips a monté. Peut-être plus de chips. Alors ça, là, il faut que tu te colles, c'est pas du sel, de l'air marin, des algues. Une pomme de terre, peut-être. Parce que les gens qui disent que ça crée une dépendance, mais techniquement, semble-t-il, scientifiquement, il n'y a pas d'addiction, comme on dit, au chocolat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit dépendant. C'est une dépendance, plus souvent, ça va être au point de vue émotif. Quand on va avoir des problèmes ou des bas, on va se tourner vers la nourriture, entre autres le chocolat. Et là, on pense qu'on est, on est pris du chocolat, mais non. Chocolat est plus grand que ça. C'est pas prouvé que c'est, voyons, comment on dit là, ça donne envie de faire l'amour. Aphrodisiaque, ben. Contesté, ça veut dire. C'est pas clair. Ben, en tout cas, ça aurait été une de mes solutions. Mais... Si t'es pas capable d'arrêter. Ben, mangeant avant de faire l'amour. Tu sais, parce que faire l'amour, tu dépenses d'énergie, tu dépenses des calories. Ouais, donc, bien combiner exercice. C'est vrai. OK, là, on ferait l'amour comme 20 fois par jour, on ferait. Là. On en mange tout le temps. Non. C'est pas tant que ça, c'est pas qu'elle en mange tout le temps, mais quand il y en a, comme elle l'expliquait dans son problème, elle n'est pas capable de s'arrêter. S'il n'y en a pas, elle part pas au dépanneur. Là. Mais c'était quoi la statistique? Tu sais que 50% des femmes préfèrent le chocolat au sexe. Mais ça, c'est une saveur de chocolat? Le chocolat au sexe? Au sexe? Oui, ouais, comme les chips au barbecue. J'ai lu l'inverse. OK. 80% des gars préféraient le sexe au chocolat. Il y aurait un lien féminin particulier avec le chocolat. Ouais. C'est dans le show d'ailleurs, Les hommes viennent de Mars, de Martin Lavoie. Oui. C'est un gros number. C'est traité, Il y a un album MP3 subliminal intitulé « Arrêtez la dépendance au chocolat ». Ah, wesh. Que je n'ai pas osé acheter. C'est un album hip-hop, hein? M'étonnez pas. Le chocolat. Non, je pense qu'il faisait la première partie de film Troll. Oui. Oh, j'ai vu. C'est ça. T'as fini s'assurer attends, on peut parler. Une bonne nutrition. Mm-hmm. Avoir de bons aliments à porter de la peine. Pourquoi tu n'as pas dit? Augmenter le niveau d'exercice. Ouais. Faire plus d'exercice. Mm-hmm. Mais mieux manger. Mais ta vie, c'est quand même quelqu'un qui s'entraîne, qui est en forme. Elle est en très bonne forme. Ouais. Mm-hmm. Moi, je vais pour une approche différente. Elle n'est pas capable de s'arrêter quand elle commence une boîte ou je ne sais pas trop quoi, un chocolat. Mais prendre quelque chose d'énorme qui va faire en sorte que tu ne pourras pas y aller jusqu'au bout. Oui, okay. La palette que je parlais, ouais, 1,5 kg. Genre d'orgie de chocolat. Ouais, si elle y va, ben, elle va s'écarter. Elle va mourir, comme un chien. Il y a aussi. On s'en bouffe la vie. Moi, j'en mangeais beaucoup de chocolat. Je ne me rendais pas compte que c'était relié directement à des brûlements d'estomac. Ah. Parce que ça cause beaucoup de brûlements d'estomac. C'est aussi pire que le café, le chocolat, les brûlements. Oui, alors. Ouais. Il y a des gens qui font des crises. Moi, je sais que ma mère a eu beaucoup de problèmes de foie. Des choses comme ça. C'est pendant la nuit, elle avait des crises. Ça faisait la dent sucrée. Fait que ça se peut des fois que ta mie ne fasse pas le lien entre des maux de ventre et le chocolat. Parce que moi, j'avais jamais fait le lien entre les deux, disons. Mais tu sais, chez vous, on se donne des palettes de 2 pieds de large. Ça, c'est la plus petite que j'ai reçue, je te dirais, à l'instant. L'autre d'avant, c'est un plongeon. Mais j'ai vu ta bibliothèque, je m'en doutais. C'est pas d'aluminium, et dans chocolat. Ouais, ça a l'air de livre, mais c'est pas des grosses palettes. On les défend. Un peu comme la patch contre la cigarette, il y a la patch chocolat. Ouais. Mais je sais qu'il existe des programmes pour arrêter de fumer. Ce sont de petits ordinateurs portatifs qui te disent maintenant fume maintenant une cigarette. Mm-hmm. Peut-être des fois ils t'en font fumer 3-4 en ligne, puis là ils t'arrêtent un long bout de temps. Peut-être ils te refont fumer, puis là l'idée c'est de t'écœurer, mais tu fais voyons, faut que j'arrête tout ça. Alors peut-être de prendre le même engin, mais au lieu de fumer une cigarette, manger du chocolat. Mais moi je pense dans que. Dans ma main tu fais oh, là moins. Bon, puis plus qu'à d'avoir une palette en dessin. Chez le chocolatier, moi à la fin là, j'en ai mon casque de chocolat. Sauf que le lendemain, j'en mange encore. Ouais. Ah, c'est sûr. Tu retournes à la chocolaterie. Oui, près de la chocolaterie. Toi, c'est les amandes avec du chocolat noir. J'en achète plus. Moins qu'un an. Non, j'en achète plus. Ah oui, peut-être qu'on pourrait parler de sortes de chocolats qui sont dégueulasses. Comme moi, là, j'ai une image en tête de vieux chocolat de Pâques. Tu sais, avec une espèce de croûte qui devient beige un peu là, parce que le chocolat est vieux. Là. Tu sais, y a-tu des images négatives de chocolat qu'on peut mettre en tête? Le chocolat de Pâques, souvent, trop sucré, qui goûte juste le sucre. Oui, oui, dégueulasse. Il goûte pas le cacao ni le chocolat, il goûte même pas le lait, ça goûte juste le sucre. Ouais. Une bonne Bounty. Une Bounty. Ah, c'est la pire palette au monde. Moi, j'aime ça. Non, j'aime ça, le coconut. Les chocolats parfumés, mais une Haribo à la mangue, pour moi, c'est un grand bonheur. C'est pas pire. Puis, il y avait souvent, tu sais, les essais de palettes de chocolat se ramassent souvent au Dolorama parce qu'ils n'ont pas été vendus. Fait que tu t'avances avec une O'Henry, tu sais, à l'orange. Oui, c'est moi, j'aime ça. Tout ça. C'est pas bon. C'est comme, tu sais, des mauvais chocolats individuels. Là, qu'il y en a des fois, tu sais, comme le Pot of Gold. Non, c'est pas le chocolat. Mais justement, crise et opportunité, c'est un classique. Je pense qu'on peut entrer ce volet-là. Là. Dans ce volet-là, y a-tu des choses qu'elle aime pas manger, Tammy? Comme moi, les choux de Bruxelles, là, c'est dégueulasse. Ah, oui. Mais peut-être que les tremper dans le chocolat me faire des... Napper une sauce. Tout le temps, puis là, t'es fait refroidir, mais tu manges ça, là, comme... C'était en 2012, là. Quoi? Un nouveau restaurant qui ouvre, puis qui essaie des affaires. Ouais, là, dommage. Des piments dans le chocolat. C'est nos patients. C'est possible. Ah, ben là, encore plus opportunité, ouvrir un restaurant de marbre. C'est ça qui enlève le goût à tout le monde de manger du chocolat. Faire faillite au chocolat. Bon, le système de récompense, ou comme tu le proposais, de, tu sais, si tu mets ta boîte de chocolat sous un poids énorme, tu es obligé de le lever à chaque fois. Soit que ça te décourage, soit que tu te fais des pipes. Tu fais des petits pipes, là. Ouais. Ouais. Moi, j'ai une autre idée. Peut-être dans une boîte d'assortiment de chocolat, c'est peut-être donner des personnalités à chacun des chocolats. Comme ça, donc, si elle s'attache, puis elle se met à leur donner une vie, tu sais, comme elle a fait la guerre. Lui, c'est un survivant du cancer. Il donne le nom de sa fille. Le nom de sa fille à chaque chocolat. Je peux pas manger Jean. Elle n'osera pas manger des chocolats. À chaque fois, elle mange un rêve. Elle mange un rêve. Jamais elle va lever une vivre. Fait que. C'est très bon. Ça va être jamais. Il y en a beaucoup de chocolat. C'est intéressant. ça, il y a peut-être de diversifier ces chocolats. Peut-être que du lait au chocolat pourrait remplir ses cravings sans être égoïste avec les membres de la famille en cachant des chocolats. Il y en a du biologique pas si pire, là, à la base de cacao, tout ça. Vrai bon lait au chocolat. Peut-être que le secret est dans la forme. Hein? Oui. Oh. Tu sais, il y a des moules. Tu sais, tu manges une poule en chocolat, tu es habitué. Mais ta face... en chocolat, un aisselle. Un aisselle en chocolat. Un cœur. Un cœur. Un cœur. Ouais, c'est ça. T'as pas le goût de croquer dedans. Ouais, c'est ça. Un cordon ombilical. Je suis sûr qu'on s'habitue à la longue. T'as de marde. Il y a déjà une tarette qui imite. Oui, quand même. C'est laquelle? Owen Henry. Ah, ben oui, ça. Il y a peut-être des bobettes mangeables au chocolat aussi. Ouais. Crise en 92. T'inquiétant. J'avoue que j'ai le même problème. Faut éviter. Il y a des situations clés à éviter, je pense. Là. Parle, bien sûr, Saint-Valentin. Tu vas pas dans un Jean Coutu le lendemain de Saint-Valentin. Il y a des rabais partout. C'est là dans ta face. Ça, c'est tellement pas cher. Après le jour de l'an. Tu sais, il faut... Après Pâques. Ouais. Après Pâques, jour de l'an. C'est toutes des erreurs. Toutes les Shrek en chocolat qui restent. Chocolat vert. C'est ça, chocolat, c'est ça. Ouais, c'est pas terrible. Là. Mais t'as l'impression de manger une chandelle. Y aller dans... vraiment pas vraiment. Mais justement, parce que des fois, il y a des produits chocolatés. Ouais, c'est ça. Qui sont pas vraiment du chocolat. Ils n'ont pas eu le droit d'utiliser du vrai chocolat. Donc, c'est chocolaté. Ou chocolatey en anglais. Et ça donne mal au cœur. Oh, ouais. Dracula, là, les céréales. Là. Quand chocolat. Quand chocolat. Pas sûr que c'est du vrai chocolat, moi, chocolat. Mais juste. Tu sais, t'as le Quick qui est du vrai chocolat. Mais celui, genre, de la version métro, là, c'est poudre chocolatée. Oui, c'est vrai. Et c'est pas tout du chocolat. C'est moins la bonne. Mais tu sais, mettons, Nutella, ce qu'ils font présentement, là, en faisant des pubs comme si... C'est de l'énergie en plus. C'est au niveau des noix que ça donne de l'énergie, pas au niveau du chocolat, j'imagine. Mais le chocolat aussi, ça donne des calories, mais c'est sucré. Ben, c'est de l'énergie vide, là. C'est comment qu'on appelait ça quand j'étais petit? Les noix sont un petit peu des protéines, mais à peine, là. Mais c'est incroyable, cette campagne-là, je peux pas croire que ça passe. De l'énergie à tartiner. Ah, c'est fou, c'est une prof de primaire qui le dit en plus, dans un pub. C'est inacceptable. C'est dégueulasse. Ouais. Tu donnes une tartinade de Nutella à tous tes élèves, là, puis là, pendant 10 minutes, ils sont partout. Puis après ça, un crash. Mais est-ce qu'elle a ça, Tani, aussi des espèces de roches de sucre après avoir mangé ça? Sens-tu énergique ou coupable? Ah, c'est une bonne question. Ou une énergie coupable? Énergie coupable, je vois pas. Je vois pas, mais c'est tellement intégré à elle, peut-être que je fais plus la différence entre ses crises et elle-même. Je comprends. Peut-être que si elle arrêtait le chocolat, je découvrirais une autre personne complètement. Son côté givré. Mais t'as dit, c'est bien chocolat au lait? Ou pas au lait, plus noir. Ouais. Déjà, c'est un peu... Mais les assortiments, là, ça, là, elle aime bien ça. Là, OK. Le petit kit, là, oui, là. Elle regarde la petite carte, là, puis là, ça, c'est au caramel. Comme on donne non, elle n'achète jamais. Mais quand tu t'achètes pas ça, mais tu reçois une boîte, il y a quelqu'un qui t'en donne une, blabla, sais-tu, moi, une première de théâtre, ils se font donner des patentes. Ben ouais. Ensuite, ils vont se ramasser de temps en temps une petite boîte qui traîne. Puis on cache mange ça. Cache ça. T'es cœur. Ouais. Mais moi, j'irais pour avoir une alternative à la maison. Ouais. Parce que quand il y a du chocolat puis il y a quelque chose d'autre, tu sais. Quand il y a juste du chocolat, ben là, c'est sûr que tu manges ça. Ouais. Ben oui. Comme des chips, c'est la même chose. Ouais. Il y en a. C'est un beau bol de fruits à côté, là. Ah, franchement. De la marre! Tu manges le chocolat. À part les peinturés. Ou du yogourt, gros, ça mange ça. C'est ça. T'as vu mon frigidaire me dire de cuisiner avec ça? Il reste du chocolat. Non. Du chocolat. Au poulet. Au poulet. Poulet. Chocolat. Arrête ton frigidaire, s'il te plaît. Mais elle peut pas te faire confiance, Tani, disons. Non, elle peut pas me faire confiance, sur rien. Mais tu sais, je veux dire, en tant que personne qui vit avec, là. Arrête, j'en ai trop aussi. Ben non. Zéro. Mmh. Ouais. Mmh. Peut-être la responsabiliser. Mais je pense. Mais là, tu vois, là, par rapport à sa fille, là, c'est, tu sais, des fois. Ouais. Là, en même temps, elle couche à 8h30, puis toute la semaine, elle est à garderie, frère. Dis de pas écouter ce podcast-là. Crée-toi une allergie. Mon frère est allergique. Mais oui, ça se passe. Arrête, au chocolat, tu sais. Ouais, ben il est allergique aux noix. Fait que, ouais, ouais, c'est sûr. Mais le cacao, c'est dangereux, ta colère, il faudrait que t'arrêtes si tu m'aimes. Elle va te laisser. Mais arrête, c'est ça. Yeah! Elle va sortir avec un chocolatier. Ah oui, c'est ça. Mais pourquoi pas créer un problème avec ça? Dire, moi, c'est bien difficile pour moi. J'essaie de perdre du poids. C'est dur pour moi de devoir grossir à vue de l'œil, Tammy. Oh! Ah! Il y a être impuissant devant ça. Ouais. Ouais, mon désir pour toi, ça me nuise. Ah oh non, mais je ne voulais pas dire impuissant comme ça. Ah, moi j'y allais là-dedans. J'allais là. Attends, t'es avec Tammy? Quoi? C'est ça, c'était Frédéric. Quoi? Ouais. Ouais. Ouais. Mais si tu trouvais autre chose, développer d'autres goûts. Ouais. Tu sais, les vins. Les vins. Qu'est-ce qu'on mange, qu'on goûte, là? Il n'y a rien qui égalise le chocolat. Du pain, un bon pain. Non, mais tu sais, du vin, tu sais, du monde qui s'intéresse au vin, puis tu l'achètes, puis tu magasines, puis tu goûtes. Puis tu fais un chocolat, va m'enlever. Goût. J'en ai qui font des accords chocolat. Non, mais le pire, c'est... Arrête, donne-tu pas d'idée. Non, mais tu peux switcher. Mais non, il y en a qui font, ils goûtent le vin, ils font, il y a comme un petit goût de chocolat. Elle va trouver du chocolat partout, tu penses? Ben oui. Il goûte le aéro. À la menthe. Ouais, vraiment. Ah oui, celui en boule, là. Ou en palette. Celui au de la rameur. Il est très Cadbury, ce vin-là. Ah. Ouais, ouais. Un petit Cadbury, pas piqué des verres. Mm. Mais achète-dis donc, on va y acheter une boîte de chocolat dégueulasse. Tu sais, une affaire Russell Stover's. Ah, parfumée à... Tu sais, le tantôt, je disais que j'aimais ça, mais moi, j'aime les ton aéro parfumé de ça, mais les chocolats... Je trouve qu'il y en a toujours la moitié qu'on mange pas, des affaires dégueulasses. Cherry Blossom aussi, moi j'ai ça. Ah, moi j'adore ça. Ah ouais, ok. Regarde, c'est ça. T'es weird. Très étrange. C'est dégueulasse. T'es dégueulasse. Mais il y en a partout, il y a une grosse offre de chocolat. Ouais, je trouve que c'est dur de s'en sortir. Pauvre. Mais peut-être t'as fait, justement, là, les coraux disparaissent. La température terrestre augmente, oui. On aura peut-être plus de fèves. Les cacao. Peut-être à cause de problèmes en Afrique sociopolitiques. Okay. Ouais, mais là, ça, pour l'instant, ça empêche pas personne. Le chocolat vire au noir. À 90%. Oui. Elle pourrait faire le carême. Ah. Oui. Ça y sauverait bon, 40 jours par année. Très bon. Combien de temps? Très on est en plein dedans, en fait. Là. Carême de chocolat. J'en connais, moi. Ah, d'une autre génération. Qu'ils font. Ouais. Qu'ils battent à peu près, là. Okay. Qu'ils font pas de gâterie, par exemple. Pas de chips, pas de chocolat, pas de bonbons. Wow. Tu sais, on pas de s'empêcher de manger. Ouais. Puis des pâtes aux patates. Qu'ils font. Une petite pensée. Pour faire non, là, je me gâte pas, je traverse le désert. Uh-huh. Mais là, ils se bourrent. Tu à part, tu penses. C'est la raie. Pas de viande aussi. Non, mais tu sais, parce qu'il y a deux. Tu sais, différentes écoles. Par rapport aux enfants, par exemple. Oui, oui. Moi, après avoir vu des enfants qui... Moi, les c'est enfants, pas de chocolat. Pas de chocolat, pas de sucre, genre. Ouais. Mais genre, à leur fête, ils ont un gâteau, puis ils virent. Mais quand fou, là. Débile. Alors, on est venu en donner un petit peu. Mon gars a un an, là, son gâteau au chocolat, c'est la première fois. Ouais. Il a capoté. Il se passait quelque chose. Il a un peu vomi. Mais il a dû manger. Ah, ouais. Puis là, il est guéri. Lui, il s'en rappelle pas. T'as des photos plus tard. Ouais, c'est ça. Mais... prendre seulement des hauts pourcentages de chocolat. Déjà, ouais. Ça, c'est... Oui, mais... Puis qu'elle essaye le 99%, c'est dégueulasse. Ah, c'est manger de la farine. C'est... C'est pas bon. Ah, c'est pas bon, là. J'avais besoin... Quand je l'ai goûté, j'ai mangé un petit morceau, 99%, il me fallait du chocolat... Ouais, t'as besoin de la au lait pour changer le goût. Alors ça, c'est une solution. Tu vas lui faire manger du chocolat qui va lui faire manger du chocolat. Non, mais tu... Ouais. Ouais. Non, 150%, mais... que même l'emballage est trempé. Oui. Pendant que tu payes, il t'en envoie dans la bouche, oui. Le 150%. Ouais, le pourcentage, c'est pas la quantité de chocolat. En fait, c'est qu'il trempe tes mains dans le chocolat pour que tu le manges. Non seulement pour Tammy, mais pour tout le monde. Oui. Ça va loin, là. C'est de l'interventionnisme étatique, me direz-vous. Non, mais il y a des pays qui pensent, par exemple, à la malbouffe, de mettre aussi, d'augmenter le prix, de représenter le prix que ça coûte à la société. Ouais, c'est que nous, on a un système de santé où on ne paye pas, hein, universel. Mais donc, ce qui fait que, toi, quand tu veux manger du chocolat, je suis pour, moi, hey, mange-en, mon gars, mais ta palette, elle va te coûter, le reflet, là, c'est 12 piastres. C'est pas 2, c'est 12, parce que les gens qui mangent ça, mais après ça, vous êtes à l'hôpital, puis il faut payer pour. Il y a 10 piastres. Ben, là, c'est une image, je vois loin un peu, mais cette puis, idée-là pour dissuader les gens. Okay. Je pense qu'il n'y a pas calculé. Il y a peut-être pas calculé. J'ai pas calculé. Mais tu sais, on en parle aussi au niveau écologique. Il faudrait voir le vrai prix. Qu'est-ce que ça coûte vraiment une palette de chocolat à la société? Puis là, ben au moins. Là, on pourrait faire ça avec tout. Oui, mais c'est ça. Mais tu en parles avec les aliments, par exemple. Mmh. Vraiment, ouais. Ça, l'emballage. C'est juste qu'il n'y a pas complètement weird dans le fait de payer des pois mange-tout plus cher qu'une boîte de chocolat, mettons. Ouais. À quelque part, oui, non, mais c'est ça. Ben oui, ben oui. C'est vrai. C'est comme ton lait qui coûte plus cher que ton 2 litres de liqueur. C'est fou. C'est pour ça que je me fais un Pepsi au chocolat le matin. Avec du quick! Perte le feu, toi, le matin. Pendant ça se mélange super bien. Ah, ouais. Les céréales au Kahlua. Ah. Mais des fois, je me fais un Pepsi chaud aussi. Un Pepsi chaud? Ouais, un Pepsi chaud. Il parlait de distance aussi entre chocolat chaud, les restaurants de restauration rapide et les écoles. Okay. On peut voir la même chose avec les dépanneurs. Les chocolats. Mais encore une fois, mais ça, c'est de mettre la responsabilité ailleurs que sur les gens. Ouais, en fait, moi, on dirait que je suis pourtant moins démonisé le chocolat que des espèces de bonbons dégueulasses, là, super ouais. Colorés, que même moi, à 14 ans, j'aurais pas voulu manger ces bonbons-là. Ouais. Je veux pas de nom en tête, là, mais tu sais, c'est comme dégueulasse, pas bon. Là, les gels. Tammy, décide d'une journée dans la semaine où là, anything goes. Choco-day. Choco-day. Lundi. Vendredi. Mardi. Mercredi. Choco-day. Vendredi. Ouais. Non, mais ouais, cette journée-là, là, lâche-toi lousse. Oui. Puis là, le reste de la semaine, tu t'en bon. Veux. Mais. Choco-day. Après ça, c'est Chip Day. Gâteau Day. Mais non. Gâteau Day. Non, mais OK. C'est Choco lundi. Mardiette. Mercrediette. Ah, oh, c'est bon. Jeudi. Vendre chip. Vendre triche. Vendre triche. Ouais, c'était pas la une famille. Non, oui, c'est OK. Non, mais. Non, cette journée-là, tu te lâches lousse, oui. Là. Chips aussi, là. Mmh. Non, non. Ben oui, tout. Mmh. Tout une grosse journée. Ouais. Perversion, tout. Ouais. Sinon, peut-être qu'elle pourrait, comme, tu sais, convertir. Chaque fois qu'elle se sent coupable d'avoir mangé du chocolat, elle fait une bonne action, mettons. Elle fait du bénévolat ou quelque chose. Ouais. Ouais. Fait que, genre, annuler son facteur culpabilité. Un don. Parce qu'ultimement, manger du chocolat, c'est pas plus grave que ça. Là. Non, puis à un moment donné, tu tentes de faire des bonnes actions. Non, non, modération. Modération dans les bonnes actions. C'est fini le chocolat. La merde, le chocolat, c'est pas si bon que ça. Pas de bras, pas de chocolat. Qu'à travers tout seul, la petite madame, là. Ben ouais. Je mangerai pas de chocolat. Manger des pinottes, oh, casse. Mais l'association, j'aime bien, moi. Oui. Ouais. Ça revient souvent à ça, hein, des fois, des idées pour arrêter quelque chose ou stimuler un comportement. Oui. Ben, je pense même que c'est ma solution préférée, ce que tu viens de dire. Oui. Ouais. De l'associer à une bonne action, quelque chose comme ça. Ouais. Ton bilan chocolaté. Oui, je trouve ça bon. Moi, un jour, je me suis dit, j'avais pas ça, les desserts. Monsieur Martin, si tu veux manger un dessert, faut que tu le fasses. Ah! Fait que je mange beaucoup moins de dessert. Puis je triche, là. Mais tu sais, mais l'idée, ouais. Mais là, au moins, tu sais, tu le fais. Tu le fais toi-même. Dis, OK. Tu sais, au moins, acquérir des connaissances par rapport à ton affaire. De faire, oui, c'est vrai, je mange du chocolat, mais je peux vous en parler, je l'ai fait, je connais ça. Puis je peux un peu contrôler aussi ce que tu mets dedans, puisque tu le fais toi-même. Donc, elle pourrait faire venir du chocolat déjà transformé, genre chocolat belge, ouais. Mais le mouler. Oh! Tu sais, déjà. Ouais, faire fondre un moulin en aisselle. Ça serait fou, bon. Hein. En aisselle de Tamie. Oui. Non, mais. Mouler ton visage. Puis tu ris, hein, mais je l'ai. Je l'ai, moi. Ah! Mon visage moulé en chocolat. Pour vrai? Oui. Hein? C'est ça que vous aviez fait. Ouais. Puis, tu n'as pas envie de le manger. Non, je comprends. Puis, tu n'as pas envie de le manger. Regarde, on l'a tué. La solution. Mais le socle sur lequel il était en chocolat. Et presque fini. OK. Ah. Non, ben, la face est dans un sac de vidange à terre. Ouais. Ben, je le mets à côté du lit de mon gars pour y faire peur le matin. Ah! Papa, hey, papa, wow! Il pointait, fait papa, papa. Okay. Messieurs, les solutions préférées? Ben moi, je l'ai dit, c'est Mathieu. Mmh. C'est la bonne action. Ouais. Moi, c'est ton affaire de sexe, là. À chaque fois qu'elle en mange, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Donner du sexe. Ben, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais moi, j'aime bien ton idée, Antoine, de le faire. Ben, du moins, de le transformer à quelque part. Ouais. Il faut que vous fassiez un petit travail, là. Exact. Donc, ouais. Qu'elles boivent des chèques de protéines au chocolat. Là. Les quick mass? Des bons quick mass. Là, au chocolat. Et vous, vos solutions? Ouais. Vous en avez? Écrivez-nous. Mais d'ailleurs, la semaine passée, c'était Martin Franklin qui nous a réécrit, qui nous a écrit un beau message, comme quoi il avait bien apprécié les suggestions et tout ça. Très cool. Continuez à nous donner des feedbacks sur... les problèmes qu'on aborde. Oui, et on ne remercie pas Solar. Pas aujourd'hui. Mais on l'a déjà fait au début. Oui. Cela dit, vous pouvez toujours nous écrire à podproblème@gmail.com ou sur Facebook ou sur Twitter @podproblème. Et c'est ça, hein? Moi, super! 112! Ouais. 112! J'espère que c'était pas trop cacane. Oui, dites-nous comment ça sonne aussi. Oui. Ouais, mais inquiétez-vous pas, on va continuer à chercher. Hein. Le meilleur endroit avec la meilleure acoustique. Lâchez-nous pas! C'est un courrier. Ouais, on a fait un podcast plus long que d'habitude, mais. Ben oui. Calme. On est à l'aise. Ben oui. Bon! Le mot de la fin, c'est... Ah, n'oubliez pas notre concours. Le mot de la fin. Vous avez un problème? Nous avons un podcast.